Aujourd'hui je coupe tout, je prends une pause dans ma tête. Le monde fait trop de bruit, faut que je prenne une vraie retraite. J'ai mis mon cœur en mode avion, besoin de plus entendre. Les messages s'empilent, mais là je veux plus répondre. On vit collé aux écrans comme si c'était vital. Je me sens libre seulement quand je coupe ce lien digital. Le silence me parle mieux que tous les réseaux. Dans le calme je me retrouve, je me sens enfin moins haut. J'ai besoin de respirer, d'oublier le monde en vrac. Me recentrer sur moi, loin de tout ce vacarme opaque. Je suis en mode avion, personne ne peut m'atteindre. Je prends du recul pour éviter de me éteindre. Je coupe les ondes, je coupe les regards trop lourds. Je me ressens, je me calme, je me retrouve en retour. On se compare trop, on se perd dans des vies parfaites. On se ressent enfin comme si la vraie vie s'arrête. Je veux sentir l'air sans regarder l'écran s'allumer. Je veux exister pour de vrai, pas pour impressionner. Je me protège des bruits, des regards, des avis. Je me coupe du monde pour mieux revenir dans la vie. Des fois faut s'éteindre pour que l'esprit respire. Je me mets en ligne pour savoir où je veux vraiment aller. Où je veux vraiment finir. Je suis en mode avion, personne peut m'atteindre. Je prends du recul pour éviter de me éteindre. Je coupe les ondes, je coupe les regards trop lourds. Je me ressens, je me calme, je me retrouve en retour. Quand je me remets en ligne, je me sens déjà moins perdu. Parfois faut disparaître un peu pour revenir plus vite.